boule de feu. Le feu, c'est le mars. Ça réagit tout mon village. Mmh. Un petit grelon de feu là. Mmh. Après, quelques temps après, on annonce aussi, on dit que la vraie pluie arrive. L'eau que nous négligeons là. Mmh. Quand le ciel s'est ouvert et a envoyé l'eau, c'était une fête que je ne peux pas, je n'arrive pas à décrire. Mmh. Les gens étaient contents de dans l'eau. La joie. Après donc, pendant une séance de loisirs, j'étais assis comme ça, il y avait un monsieur. Le loisir, c'était quoi? Le dessin animé. Et les grandes personnes voyaient les dessins animés? Tout le monde voyait les dessins animés. Mais... Tout le monde voyait les dessins animés. Il dit que les gens de la route du bien, mm-hmm, et les gens de la route du mal. Au début, donc c'était comme si c'était Oumioubé. Oui, il dit que c'était séparé. Mm-hmm. À droite, c'était écrit en anglais, The Bad. Mm-hmm. En anglais, et en bas, comme si on traduisait mmh, le mal. Mmh. De l'autre côté, c'était écrit le good. Mmh. Et comme si on traduisait en bas le bien. Mmh. Il disait donc, premier constat, c'est qu'il n'y a pas de pitié. Mmh. Et ils étaient séparés par quoi? Qu'est-ce qu'il est séparé? C'était séparé par. C'était comme un long train. Mmh. C'était comme un long train. Et à partir de la fin d'un wagon, c'était le bien là-bas, mmh, et le mal là-bas. Mmh. Une femme naît bas. Accouche. Une femme accouche. Quelqu'un vient, il attrape l'enfant, il arrache la tête. Oh, Seigneur, la femme prie. Elle pleure, personne ne s'occupe de ça. Ça va. Deux personnes se heurtent en route comme ça. La bagarre commence, c'est la mort. Il arrache la tête d'une personne. Qui suis même où là. Je me retrouve donc dans un endroit où on regardait des dessins animés là. Il y avait un monsieur à côté de moi. Quand je le regarde comme ça, je me rends compte que il n'a pas de peau, il n'a pas de tête. Je vois comment cela scalpé. Voilà, et tu vois un peu l'intérêt d'une montre. Mm-hmm. C'est-à-dire tout ton fonctionnement, le cerveau fonctionnait, mm-hmm, tout fendu comme ça. Comme les robots. Mmh. Voilà. Je voulais lui dire bonjour que quand j'ai vu ça. Bon, et là, quelqu'un est venu avec un petit livre jaune. Mmh. Il a commencé à nous distribuer le petit livre jaune. C'était écrit Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Mmh. Au commencement était la parole. Et il dit, on a tout le monde. On disait, certains refusaient. Mm-hmm. Certains refusaient, d'autres prenaient, d'autres refusaient. Il m'a donné. Mm-hmm. J'ai pris. Et la personne, tu as reconnu la personne. Mm-hmm. Non. C'était les gens vraiment que je ne connaissais pas. Bon, dans ce monde du mal là, mm-hmm, quelles sont les choses que tu as vues là-bas, peut-être qui étaient mauvaises, les choses, les choses que tu as vécues, et quelle était ton intention, quel était ton état d'âme là-bas? Le monde du mal faisait peur pour commencer. Mm-hmm. Il hantait même le monde du bien. Parce que là où j'étais, c'était comme si j'étais protégé. Mm-hmm. On tue ici, on tue ici, on tue ici, rien ne m'arrive. Mm-hmm. Le grelon là vient, ça tombe la pluie, le feu là tombe partout. Mm-hmm. Quand je lève la tête, quelque chose me couvre, mm-hmm, la tête comme ça. Mais j'avais vraiment peur. Le monde du mal a été cruel, mm-hmm, cruel, il n'y avait pas de pitié. Mm-hmm. Donc, quand le type là a commencé à nous distribuer et tout, j'ai commencé à avoir mal ici à la main. Et lui, il avait l'aspect d'être serein, donc mm-hmm, il avait l'air très sûr de lui. Mm-hmm. Il n'avait pas peur des gens et il n'était pas robotisé comme les autres. Mm-hmm. C'était un homme normal. C'était un homme normal. Et tu n'as pas essayé de régler ton corps à tombe là-bas? Quand tu as vu quelqu'un avec la tête ouverte, mm-hmm, tu ne regrettes pas. Moi, j'étais normal. Mm-hmm. Je restais vraiment normal. Et dit que quand elle a fini de nous distribuer le truc là, j'ai commencé à avoir mal ici. Mm-hmm. Mal, mal, mal. Et puis je me suis réveillé. J'ai trouvé qu'on était en train de me perfuser, de mm-hmm, me mettre le sang. Mm-hmm. Donc, dans ce monde-là, il n'y a personne que tu as remarqué qui était sur la terre. Mm-hmm. Est-ce que les êtres humains normaux, les noirs comme nous, comme ça? C'était pas des êtres normaux. Comme je te dis là, c'était genre robot, genre truc comme ça. Oui, c'était noir. Mélangé. Mm-hmm, c'était des noirs. Et la télévision, la télévision était comment? À quelle grandeur? Est-ce que les gens viennent s'asseoir? La télé était comme un mur. La télé était genre écran plat, très grand là. Mm-hmm. Et d'un luxe. Mm-hmm. Insolent. Et ça le met selon quoi seulement qu'il y a l'écran qui... Quand on dit qu'il y a loisir, je sais qu'on a allumé quand. Je ne sais pas seulement voir aussi, mm-hmm. ça passe déjà. Mm-hmm. Les Sangoku, l'inspecteur Gadget. Et c'est ça qui se joue là-bas. J'ai dit les gens dansent comme ça quand ils voient ça. Mm-hmm. Après quand ça, ils s'élèvent, ils se tuent encore. Quand il y a même un acte de tuerie là-bas, peut-être dans la foule, il y a aussi peut-être deux ou trois qui se font tuer. Et quand un petit comme ça, les cadavres sont là, ça ne dérange personne. Les gens continuent les activités. Ça ne dérange personne. Je ne sais même pas ce qu'on faisait des cadavres. Moi, je sais vraiment. Tu n'as pas prêté attention. Et dans le monde du bien, alors, comme tu as dit, c'était séparé. Et dans le monde du good, là, c'était comment? Le monde du bien était très sobre, parfois effacé même. Ce qui se voyait beaucoup, c'est les choses du mal. Donc, ce que tu as pu vérifier, t'as marqué, c'était du côté du mal. Mm-hmm. Et ça me, parce que ça me faisait peur, ça me faisait très peur. Si tu ne te posais pas la question, comment tu as pu arriver là-bas? Mm-hmm. Et comment je devais rentrer. Mm-hmm. Je devais rentrer, j'attendais donc le train. Mm-hmm. Et les gens ne sont vraiment pas l'impression de vouloir rentrer. Mm. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ah. Ne manifestait pas l'envie de rentrer. Et nous, on était très peu là, on attendait l'autre train. Parmi lesquels, le type qui nous a distribué, c'était un petit livre, c'était pas un prospect. C'est un livre dans lequel c'est écrit. C'était un petit livre comme ça, jaune, couleur jaune, mince. Mm-hmm. Jean chapitre 1. Verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Il fallait lire tout ça. Certaines personnes nous refusaient. Même là-bas, même alors qu'on vient les délivrer, ils refusent. D'autres comme moi j'ai accepté. J'ai pris ça. On me dit faut toujours prier ça. Faut toujours utiliser ça. Faut toujours utiliser ça. On n'a même pas dit prier. Il faut toujours utiliser ça. Et avant que la cérémonie ne finisse, j'ai commencé à avoir mal ici. Quand c'est là où tu t'es rendu compte que. C'est là où je me réveille. Je vois des gens dedans blanc. Elle-même aussi est derrière là-bas. Tu vois que. En même temps, ils n'ont pas prié. Il était en train de perdre connaissance. Il ne connaissait que les gens avaient le sang était fini. Maintenant, il fallait chercher. Qu'est-ce qui se passe? Il est très malade. On va à l'hôpital. J'ai dit au médecin que je vois le temps qu'il a là, ce n'est pas son temps. Je sens qu'il a un ennemi. On dit non. On a fait la numération. On a fait ça comment? L'autre jour, on a dit que le sang ne nécessitait pas la transfusion. Là, on dit, mais il a déjà tout chauffé entre temps. Et on m'a appris que la fièvre, là, reste le sang. Ça dit que le médecin ne veut pas. Et que maintenant, il y a ma collègue qui vient. Elle me dit, je ne sais pas si je te donne le numéro de nom de Dieu, ça va te déranger. Je dis, non, est-ce qu'en parlant, c'est comme ça qui chasse mon corps? Il me donne un numéro. La personne, c'est un homme de Dieu, il n'est pas à Douala. Je l'appelle, je lui dis, il me dit, il m'a demandé le nom du malade, il me dit, le malade là, les médecins ne sont pas en train de voir de quoi souffre ce malade. Les médecins sont voilés. On a voilé, le malade a voilé les médecins. Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu là-bas pour qu'il vienne prier pour lui et comme ça les médecins vont découvrir de quoi il souffre. Mais moi je serai là-bas, je peux venir là-bas, je vais me déplacer, mais je ne peux pas me déplacer comme ça. Il faut les moyens, mais je ne peux pas venir seul. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais envoyer la Nadine et la Nadine. Je te mets en contact avec ma fille, elle se bat. Elle s'est battue parce qu'il fallait le transport et tout. Elle allait, tu veux 30 000, même aller venir, tu dis que non, fais encore un dernier effort pour que ça prenne 50 000. Est-ce qu'il a dit? Oui. Elle a encore s'est battue, la baille a même payé les détails jusqu'à. Il est quand même venu, mais entre-temps, son petit frère vient avec son prêtre. Un prêtre. Un pasteur. Entre temps, on va devenir avec un prêtre. Juste après que l'homme de Dieu, le prêtre vient, il prend le bénit. Il met le pâté sur le corps et il donne la communion pour tenir à tout le monde. Oui, il a beaucoup prié pour lui. Là, j'étais encore conscient. Immédiatement, dès que le prêtre a fini de prier, le colère arrive. Dès qu'elle entre comme ça, elle me dit, qui est-ce que le tepsi est annulé parce que bien comme l'épouse d'un homme de médecine, je ne sais pas comment dire. Elle a dit, est-ce que tu le vois parce que moi je suis allée le voir là. Quand elle a dit, c'est comme si moi-même je suis allée séquestrer le médecin. Je lui ai dit, je veux une transfusion sanguine pour mon mari. Si vous voulez, je vais poser une question. Si vous ajoutez du sang, une poche de sang à ce qu'il a déjà, est-ce que ça va le tuer? Ça va le tuer? Il dit non, pas de problème. Il dit, donnez-moi dans le papier, je signe que la transfusion sanguine, là, c'est sa femme qui a dit et que je vais signer. Parce que là, moi, je dis, il faut prendre le bucou il dépose maman. Parce que je vais commencer à l'appeler mon fils et les enfants qui sont sortis hier là. En cet moment, il a fait le bon. On a appelé son collègue qui sont là. Maintenant, on a lui, il nous a donné le sang, on avait donné 50 000 après. Maintenant, là où ils sont donc étonnés, quand on vient donc pour prélever, pour faire la. Regarde, ils ont quelque chose qu'ils font là, pour vérifier la compatibilité. Là, même comme c'est son groupe sanguin, on doit prendre son sang. On prélève le peu de sang dans le. La poche, on mélange la peau pour voir si ça se passe. C'est compatible. C'est là alors. C'est là où il était dans le milieu. Pour tester le sang. Pour trouver la veine. Ils ont mis, parce que j'ai commencé à dire, peut-être une heure de temps, sa soeur, donc si la femme du colonel, là, elle était là, c'est là-bas, elle est venue. Elle m'a dit, j'ai chronométré, donc ça a mis 90 minutes pour chercher la veine. On a appelé tout le monde, on ne trouvait pas. La veine, on me dit que c'est quand le temps de partir, que les veines disparaissent. 90 minutes, j'étais déjà dans tous les états. Je n'étais même plus là. Finalement, on trouvait une veine. Il n'y a pas de sang. On a commencé à appuyer. Ah, beaucoup de sang coule. C'est là où une mousse, moi j'appelle ça la mousse, est sortie. Ils ont posé une mousse avec moi. Un homme ne sait pas ce que vivre sans une goutte de sang dans son corps. C'est là où même on le remerciait parce qu'il partait s'il n'avait pas insisté. Donc, après on a dormi le dé, on a mis le sang. Quand le sang a vu même la moitié, là, il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Il met le gars comme ça, il dit c'est toi tel. C'est toi heureusement. C'est toi qui demande comme ça. Il ne sait pas que tu es sa femme. C'est toi heureusement. Là, c'est Agnès, non. Ça doit être le fait. C'est Agnès, sinon. Après, dans ce là, donc, tu me racontes l'histoire. Sortez de Boumingal. Il ne faut pas rentrer en Boumingal, Boumingal spirituel. Là. Le Tintin, là, quand tu as vu le Tintin, là, et quand tu rentres à la maison, les enfants voient le Tintin. Ça ne te dit rien. Non, ça m'énerve. Et je l'ai dit que les dessins animés sont diaboliques. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est que les dessins animés que vous voyez là, ils sont pas. Pourquoi les dessins animés? Voilà. Ce n'était même pas un film d'horreur, c'était vraiment les dessins animés. Des Pokémon, manga et autres. Et tu vois que c'est ça qu'on distribue. Inspecteur Gadget, un bras qui sort de la tête. Ça commence à se soulever. Il sort de l'immeuble, le ventre gonfle comme ça. Les gens là tombent de rire d'applaudissements. Et tu vois donc que c'est avec ça qu'on nourrit les pensées de nos enfants. On met comme ça la criminalité dans la pensée de l'enfant. Donc ça veut dire que normalement, toi-même, en sortant de là, tu devais prendre une décision drastique à la maison par rapport à cela, aux enfants, non? Et on a un enfant, c'est lui qui est un ingénieur, là, qui ne regarde que le dessin. Il dit que je mène un combat. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Je ne sais pas, parce qu'avec les hommes de Dieu, les témoignages là édifient les gens. Peut-être que ça peut servir. Parce qu'un autre témoignage avant tout ceci, que je n'ai pas pu analyser. Comme on dit là que les morts, quand quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Il tombe malade, il est en route, il sent que ça ne va plus. Il arrête la voiture, il achète des ferragams, il boit comme une bouteille d'eau là, il boit. Il se remet en route. Quand il arrive au carrefour, il perd l'âme, il ne voit plus. Conduire, hein? Tu es de conduire rentrer le travail. Avant tout ça, avant que le soir vraiment malade comme il est là, voilà la première fois de sa maladie. Le début. Il arrive, il me dit, il me passe mal à côté, c'est après qu'il arrive au carrefour et tout là. Il ne savait plus où aller. Les gens commencent à insulter et tout. Après, il repart en France. Au carrefour. Viens. Au carrefour en plein route. Il garde très mal, je dis, ouais, les filles, c'est encore plus une. Comme eux, ils ont l'habitude. Mais tu t'avais vu? Moi, je ne suis pas avec eux. Je dis maintenant comment il m'a quand j'arrive la scène. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il garde très mal, je suis en haut, je regarde. Il est le type, c'est encore. Entre-temps, tu t'en le voir. Moi, il était à la maison. Quand j'arrive donc à la maison, je me garde mal. Mal. C'est là où moi, je le vois. Parce que ce que j'ai commencé à dire là, c'est ce qu'il m'avait raconté après. Ok. Dès qu'il garde mal, il entre. Je suis même déjà dans tous mes états parce que j'étais hospitalisée, je viens de sortir de l'hôpital. C'est lui qui était ma mère à l'hôpital. Maintenant, il entre. Maintenant, seulement. Il appelle tel enfant. C'est vraiment la couverture qu'on a posée. Encore, il est là. Il ne va plus bien. Il dit, je suis très malade et tout et tout. Pendant que je suis dans ce panique, je ne sais pas. Ça va tellement vite que je ne sais pas ce qui se passe. Le temps d'aller chercher le comprimé là. Parce qu'il fallait qu'on aille tel, mais je suis là et bêtise, je ne m'attendais pas à ça, moi-même je sors de l'hôpital. Dès que je pose le comprimé sur la main, main tombe, il ne respire plus. C'est la mort. Les enfants observent ça, ils comprennent ça. Le papa est mort, même avec moi, parce qu'il était encore costaud quand il était à Saint-Denis-là. Moi je sors de l'hôpital, je suis à 5 ans. J'ai commencé à arrêter, j'ai commencé à secouer. J'ai dit, Nazel. Après, il a vu. Quand il vient là, il commence à parler avec eux. Il dit, voilà, Farisoma. Farisoma, c'est qui? Le prêtre qui a béni notre mariage. Il est décédé. Il dit, je ne veux pas passer par là. Il a les yeux sont ouverts. Hein? Il est revenu à lui-même dans les yeux. Lui, il est là. Il est là, il est ouvert. Quoi. Il parle. Mais on sent qu'il, comme ce n'est pas avec nous, il dit, oh, voici un patois, voici Farisomba, voici Farisomba. Fada et Somba. Il est d'amour. Voici Farisomba devant moi. Ouais, voici Farisomba devant lui. Lui, il était prêtre dans quelle paroisse? En van à Yaoundé. Il était déjà presque fait qu'on appelait mon Seigneur. En van. En face de Buga. Le Buga voyage là. Il est décédé. C'était un blanc, c'était... Non, non, c'était... Ils sont bas. Et tu vas se faire les Somba. Ouais, qu'est-ce qui arrive à faire les Somba comme ça, là? Ouais, et pas l'enfant en bas. Il dit, ouais... Donc, allez, vous allez entendre ce qu'il a dit. Il parle, on entend. Mais il est un peu perdu, son regard n'est pas trop le regard de quelqu'un de normal. Il a un regard perdu. Voilà. Mais il a... Et vas-y, quoi, il dit... Pourquoi ça? Ouais, il a la soutane déchirée. Ouais, on tape sur lui. Ouais, on tape pas. Attends, dans ce cas, maman, attends, il raconte. Donc, tu étais où? Quand tu racontes comme ça, là, tu n'es pas conscient de la présence de maman ni de tes enfants. Non. Raconte-nous la scène, comment ça se passe. Maintenant, je vais faire un Somba apparaît devant moi. Ça, c'était où, là? Quand tu t'es trouvé où? Il nous a dit que j'étais dans une pénombre. J'étais dans un endroit où la nuit commençait à tomber. C'était l'obscurité. C'était une mi-obscurité, mais tu pouvais distinguer les individus. Et c'est dans un pays, dans une ville ou dans un quartier, dans un endroit. Franchement, je ne peux pas te dire. C'était un endroit bizarre. Farisomba me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Toi, là, tu n'as rien à faire ici. Mais c'est moi qui suis dans des problèmes. toi, tu n'as pas de problème. Voit-elle, il commence à me donner les noms. Parce que maintenant, il parle, ce qu'il dit là. Il parle, il nous dit, il a commencé à dire que les pieds sont jambes, il a pris les pieds, qu'on vient mettre la glace sur ses pieds. On verse même l'eau, il ne sent pas. Parce que c'est après qu'il nous dit qu'on le tirait. On le tirait par les pieds qui ne bougeaient plus là. Et maintenant, quand on voulait déjà l'amener, qu'on prenait dans l'obscurité, là où Pharaon était à quel niveau? Il était dans l'obscurité. Il n'était pas là. Il n'était pas là, il a apparu de ma gauche. Il trouve qu'on est en train de me tirer. Et qui t'a tiré? Il dit les gens qui le voyaient, mais ils voyaient seulement les silhouettes. Apparemment, il voulait seulement te faire du mal. Oui, il voulait m'amener dans un endroit pas bien. Il dit, laissez-le. Et il n'a rien fait. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. C'est moi qui suis dans les problèmes. Moi, je suis dans des problèmes. Lui, il n'a pas de. Il n'a donc, rien fait. Donc, le prêtre l'a dit que lui, il est dans les problèmes. Lui, toi, tu n'as rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Il dit donc, demande aux gens de te donner l'huile que tu as ramenée de Rome. Parce qu'il venait de rentrer de Rome. Il ne connaît pas. Ok, toi, tu étais en mission à Rome. Je suis allé en mission. Le pape, la voiture du pape que vous avez vue ici, c'est moi qui suis allé transporter ça. Ok, donc tu as avec ton avion. J'ai donc acheté une huile d'olive. D'accord. Que le pape a béni. A béni, oui, tu es rentré avec. Je suis revenu avec ça ici. Maintenant, il nous dit, Pharaon, on va dire que vous prenez l'huile que j'ai ramenée de Rome. Et vous versez ça. Vous voyez, c'est ça sur moi. Il me dit ça. Il a dit comme ça là. Il dit comme je parle. Et parce que tu as reçu le renseignement dans le songe là que ça va se passer. Il a dit, c'est ça qu'il m'a dit. Il parle avec nous, il dit, Fares m'a dit que Fares m'a Akana. Il parle comme ça pas toi. Il parle de toi. Prenez l'huile que j'avais ramenée de Rome. Vous versez ça sur moi. On a pris, on a versé sur lui. Je voulais lui, mais comment. Il y avait, je crois que un prêtre avait déjà le prêtre avait encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, tout ça se passe dans la chambre, il est dans la chambre. Dans la chambre que tu connais. Entre temps, les voisins, ils sont en train de venir parce que les enfants commençaient à crier. Une voisine a même couru aller prendre une huile chez elle. Parce qu'elle m'a expliqué qu'elle, en allant chez le pasteur lui a demandé, il lui a dit. Cette huile va être utile. Elle se dit que peut-être que le pasteur a été avisé parce qu'il allait aller voir son voisin. Parce qu'elle est venue, elle lui a fait boire cette huile-là. Les gens se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier. Subitement, la solidarité est venue. Je te dis, le quartier, là, les gens sont entrés jusque dans ma chambre. Après, il dit, parce que là-même, n'était pas encore avec les pasteurs, seulement avec les prêtres. Il dit, il faut voir le prêtre, il faut voir Père Bertrand. Il me dit, Fares m'a dit que je vois Père Bertrand, que je vois. Jusque-là, il parle comme ça, étant inconscient. Il parle, il rentre dans l'inconscient, il dit que je vois Père Bertrand. Et Père Bertrand, lui, il est encore vivant. Oui, c'est l'un des leurs prêtres catholiques, gallicans, nos amis. Anglicans. Dans les camps, ils sont des amis de la famille, on était avec eux chaque fois. Le père Michel, Michel c'est mon oncle chez qui je passe souvent dans le village. Ou bien père l'autre, lui il est romain dans son église de Luc. Il dit ne faut pas voir le père Luc c'est qui? Le père Luc vient de décéder, c'est un ami de la famille à Yaoundé. Trop désordonné, tout le monde le connaissait. Donné, bon, je parle, il avait, il menait par exemple une vie sexuelle pas ouverte, disons les gens comme pour le monde voyait, ne cachait pas. Mais il était puissant, genre que il imposait les mains, il soignait les choses arrivaient. Les choses. Mais sa vie non, voilà. Normale, pas propre. Pharaon Sombala me dit de ne pas m'amuser à aller le voir. Voit-elle. On va revenir pour vous dire comment il est décédé. Et Sombala, ou bien Luc. C'est donc comme ça qu'à ce temps, j'ai déjà appelé son frère qui a le bas là. Il est déjà venu là, il me céleste nous toujours comme toi. Il est arrivé, on l'a porté pour aller à l'église. Dans la voiture, il commence à pleurer. Il dit, ouais, Rose, toi même la jambe que j'ai mangé. Attends, maman, ça c'est ça de qu'entre temps, donc on a porté papa maintenant pour aller où il est. À l'hôpital. Là, maintenant à l'hôpital, pas de pieux. Donc, quand il respirait déjà bien. Il respire bien. bien, il est. On le tient, on le met dans la voiture. Mmh. Il commence encore dans la voiture, il délire toujours, il commence à pleurer, il dit ouais, pourquoi faire les sommes? Non, ça ne doit pas arriver à faire les sommes en patois. Mmh. Non, l'autre. Donc là maintenant, il se rend compte que faire les sommes, c'est tout dans une sale situation. Oui. Papa, raconte-nous le sein avant que maman continue. Mmh. Qu'est-ce que tu vas raconter sur remarquer sur Farah Essomba? Farah Essomba était avec une soutane sale. Soutane blanche, mais sale. Oui, comme si on l'avait traîné dans la boue, mmh. et déchiré partout, comme mmh. s'il avait subi un sévice, comme si on le battait. Mmh. Et il entrait dans les ténèbres. Voilà, il entrait vers les ténèbres. Mmh. Parce que l'endroit où il me voit, c'était comme un carrefour. Mmh. Il sortait de là, mmh. moi on me traînait, on venait comme ça, mmh. et la route continuait là-bas. Mmh. Jusqu'à disparaître dans le terminal. Et c'est là-bas qu'il partait. Tu sais que lui, vraiment. Il mérite d'être là. Non, c'est lui qui a des problèmes. Lui, il a des problèmes. Celui-ci n'a rien fait. Mm-hmm. Laissez-le. Mm-hmm. Les gens là m'ont aussi laissé. Mm-hmm. Ils t'ont laissé comme ça au sol. Mais quand tu vois son aspect, apparemment, il souffrait. Il a commencé. Il a pleuré, me dit. L'argent que j'étais donné l'autre jour, prends même 10 000. Et là, la pitié a fait le test, tu commences à penser qu'en lui donnant 10 000, ça va résoudre son problème. Voilà. Ouais, il avait l'air affamé. Il avait l'air. Ouais, ça ne doit pas. Mais ça ne contraste pas avec la vie de luxe et des propriétés, la vie de notoriété et des. Qu'il avait ici. C'est pas ça bizarre. Ça contraste justement, puisque son banc a été curé d'une paroisse. Mmh. Et tout le monde sait ce que c'est que être curé, gérer une paroisse à Yaoundé. Il avait argent, il faisait des tontines avec les femmes au quartier, 100 000 au mois. Il faisait, puisque. Il construisait les maisons. On était trop proche de lui, c'était la famille. Et c'était l'aumônier de l'armée de l'armée à Yaoundé. À Yaoundé. Uh-huh. Mmh. Parce que les prêtres. Ils vont dans les bases militaires. Oui, lui, il était même nommé aumônier de l'armée. De l'armée. Depuis que j'étais de lui donner 10 000, c'est rendu une chose. Toi aussi, tu allais répondre comme ça pour le satisfaire. Oui, je lui ai dit que j'ai donné. Mais entre-temps, là, quand tu es dans la voiture, tu ne sais pas comment tu es transporté entre-temps. Mais tu vois toujours, ils sont malades devant toi. Ils sont malades devant toi. Il était. Maintenant, on arrive à l'hôpital. On prend, on dit tension, hypertension sévère. Il est à. 19. Okay. Il n'a jamais eu de tension. Il fait la perfusion. Donc, on a passé la. Quelque temps, avant même de placer la perfusion, il est venu en lui. Mm-hmm. Il est venu en lui. Avant même qu'on le prenne, on ne sait pas. Il est venu, il a commencé à nous raconter. Il a commencé à raconter donc, la scène qui s'est trouvée là-bas. Donc, là, il me dit comment ça s'est passé, comment il s'est senti mal au carrefour. Il me raconte donc, on lui met la perfusion. Après le lendemain, la tension est normale. Et il laisse ces deux jours, il sort et c'est parti comme ça. On a pu parler de ça avant de. Je ne sais pas après combien de temps il est donc devenu. Malade, malade. Donc, papa, tu as deux visions, deux révélations où tu es, tu quittes notre vie, tu veux l'autre vie, mm-hmm. et où tu rencontres des scénarios bizarres, mm-hmm. parmi lesquels tu vois un prêtre qui est peut-être respecté sur la terre, mm-hmm. mais qui va en train de souffrir. Mm-hmm. Ça, quand tu rentres, tu vois très bien que les témoignages que tu reçois là, c'est que normalement tu ne dois pas être dans cette zone-là. Parce que de l'autre côté, on te donne la Bible en disant qu'il faut toujours utiliser ça. Donc, il faut que tu aies la parole. Il faut que tu ne cesses d'utiliser la parole selon la première vision. Oui, en plus, c'était même aussi la parole. Mm-hmm, au commencement, c'était la parole. C'était la parole. Voilà. Donc, tu as des gens, chapitre 1, verset 1 à 14. 14. Et, mais entre-temps, alors, est-ce que ça, avant ça, tu lisais la Bible, tu prenais la Bible au sérieux? Mm-hmm. Il dit qu'entre-temps, avant que cela n'arrive. Moi, j'ai toujours été, mm-hmm. comme tu me vois là, je ne suis pas super homme de Dieu, mm-hmm. mais j'ouvre toujours les portes aux hommes de Dieu, mm-hmm. je lis la Bible comme je peux. Il est quand même, tu sens quand même qu'il n'est pas une. Avant là, mm-hmm. c'est dans la maladie si qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, il lisait aussi comme ça, déjà. Oui. Bon, mais le fait que vous voyez que toi-même tu vois un prêtre, sachant que vous avez été d'avec les prêtres, comme tu dis que j'étais proche de qu'est-ce que ça vous dit? Et ma belle-sœur, quand je lui ai raconté la scène là, comme on était tous ensemble, il m'a dit que la dernière parole de Farah Essomba était que, ouais, si je pouvais revivre, j'allais changer de vie. Changer de vie, c'est-à-dire quoi? Qu'il sait, puisqu'il meurt. Il comprend déjà qu'il n'a pas bien vécu. Mm-hmm. Il est en train de mourir. Il a de mourir. Ah, quand on sait Farah, son malade était sur le lit de mourir. Le malade, mm-hmm. quand il devait mourir, mm-hmm. il a confessé. Donc il dit que, ouais, si je pouvais revivre, mm-hmm. j'allais changer de vie. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'allais m'améliorer. Donc il savait très bien là où il avait parté. Uh-huh. Eh bien, dans ce cas, n'est-ce pas quand les prêtres, quand les gens, ils disent là-bas que quand quelqu'un est sur le lit du mort, on peut donner les sacrements vont. Lui faire le confesser pour que la personne passe pour aller au paradis. Lui, sachant ça, comment il n'a pas pu faire ça pour aller au paradis alors? C'est pour montrer que ce n'est, le paradis, pour entrer au paradis, ce n'est pas le mécanisme humain. Mm-hmm. Il faut une vie droite, une vie sainte, pas vrai? Enfin. Oh, maintenant, vous, quand vous le connaissez, vous connaissez, vous voyez à l'extérieur, vous voyez le prêtre qui est mm-hmm. saint et autres, mais il connaît qu'il mène une mauvaise vie et beaucoup de prêtres sont comme ça. Et voilà Luc, l'autre que vous appelez Luc, vous dites que vous voyez comment il vivait une sale vie, mais il prie pour les gens, les manifestations se passaient. Il faut qu'on vous m'explique ça. Donc tu disais tout à l'heure que tu vas venir comment il est mort, quand, qu'est-ce qu'il est arrivé? Nous allons dire l'autre jour que Frère était mort, il ne savait pas. Il fait d'abord une chose, puis c'était un ami, on a voir le l'autre Luc là, il était dans quelle paroisse aussi? Il était aussi catholique quelque chose, multiple. Dans quelle paroisse? Non. Il n'avait pas. Il n'était pas romain. Oui. Pas c'est romain. Que c'est catholique anglican. Voilà. Quelque chose comme donc, ça. Orthodoxe. Était romain. Mm-hmm. Donc maintenant, Rodrigo va faire l'école là-bas, mm-hmm. le footballeur. Mm-hmm. Il paraît que, comme il avait une femme, parce qu'il se marie comme. Mm-hmm. Dans les prêtres anglicans, il s'est fâché parce que, apparemment, quand la femme allait au travail marché, il venait avec les femmes à la maison. Et je ne sais pas où Rodrigo a sifflé tellement il s'entendait avec la femme là. Où il a dû lui siffler que fais attention parce que quand tu n'es pas là, d'autres font entrer dans ta chambre et tu sais. Ça, c'est ton fils Rodrigue qui dit que c'est le fils Rodrigue. Apparemment, il a dit ça. Ça veut dire que ton fils Rodrigue vivait avec le prêtre là. Il allait faire l'école à Yaoundé. On allait le laisser chez Robert Luc. C'était ta famille. C'était la famille. Il venait ici passer du temps avec toi. Donc, tu le sais pas, Luc, je marche comme je suis là. Maintenant, il paraît que ça l'a énervé. Il a dit, Rodrigue nous dit qu'il n'a pas dit, mais je ne sais pas. Il dit qu'il ne veut pas les commerces. Voilà, voilà, les commerces. Les commerces chez lui. Il a jeté les choses de Rodrigue. On me dit avec combien d'heures dans la nuit. Une famille est venue te confier un enfant. Maintenant, tu n'appelles pas les parents pour il n'appelle pas. Les voisins sont venus intervenir. Il a dit non. L'enfant s'est retrouvé dans la rue, dans la nuit. Jusque là, le père ne nous a pas appelé pour nous dire. On ne lui a rien de. Dès que la demande, on a dit à Rodrigue qu'il pouvait partir, le devoir de trucs à toi, mais il s'était parti comme ça. L'école de Rodrigue s'est arrêtée là. Il ne pouvait plus et en Atinga. Donc on s'est fâché de lui. C'est parti comme ça. Donc on ne le voyait plus. Il y a 4 mois plus tard qu'on nous dit que père lui est décédé. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelqu'un qui était malade, si c'est au Nigeria ou quelque part dans un pays voisin. Tous ceux qui le soignaient. À Kano. Tous ceux qui le traitaient mourait. Quand tu essayais de prier attends, pour lui. Quand tu essayais de prier pour Luc là. Pour Luc, non. Pas pour Luc. On raconte une histoire pour arriver à la mort de Luc. Quelque chose. Un Nigérian était malade. Oui. Tous ceux qui essayaient de le soigner. Okay, le Nigérian là. Mourait. Il avait les moyens. Et quand père Luc était friand d'argent, lui il s'est porté garant d'argent. Je veux dire que. Ok, qui va le traiter On dit qu'il est parti et il a traité. Oui. Il s'est mis debout, il a mis 8 millions. Il est venu, il a commencé à jouer la vie. En ce moment, il est tombé malade. Cet argent même est fini à l'hôpital et il est décédé. Voilà donc, on dit comment il est décédé. Nous, on n'a même pas su. C'est 4 mois après sa mort, comme on ne s'entendait plus très très fort là, donc je ne l'appelais pas, lui ne m'appelait pas, on se disait quand même que bon, ça va s'arranger un jour. Mais... Bon, je dis à papa, honnêtement, vous pensez que les prêtres catholiques là, travaillent avec le pouvoir du Seigneur Jésus? On peut trouver quelques-uns, moi je me dis que pas quand même, tous. Ouais, comme quelqu'un me disait un jour que... Dans la vie, avant d'être prêtre, avant d'être sœur, tu étais même d'abord quoi? Est-ce que c'est là-bas que tu vas changer? Si tu étais déjà sorcier, est-ce que c'est là-bas que tu vas aller changer? Non. Tu continues c'est même le gandoura sur toi, monsieur. Mais quelqu'un qui était déjà. Ah, vous allez me tuer, vous allez me finir seulement. Mais on va entrer tout à l'heure, quand on va quitter la table, on va aller dans la Bible, on va expliquer tout cela. Je vous ai fait venir ici pour cela parce qu'à la maison, ce n'était pas possible. Je vais vous expliquer Bible à l'appui, et vous laissez entre les mains du Seigneur pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds, exactement ce que vous faites. Parce que je n'ai pas que faire ce que Dieu a demandé, et c'est dans la Bible. La Bible est le socle, la Bible est l'habitude, le dernier mot. Donc je vais vous montrer au travers de la Bible, à la lumière de la Bible, et vous montrer ce qu'il en est par rapport à tout cela. D'accord, mm-hmm. Et vous allez voir, tu vas voir le pourquoi Dieu en est averti. Remarque bien que lorsque la vision est venue, la première que tu as raconté là, on t'a indiqué plutôt la parole. Oui. On t'a pas indiqué un être humain. Toute vision qui vient de Dieu, quand Dieu veut conduire quelqu'un, il va conduire quelqu'un selon la parole, pas selon les êtres humains. Le prêtre va toujours te dire qu'il va voir Père Hebga, va voir celui-ci, parce que c'est le cas des apôtres, c'est entre eux. Parce qu'entre eux, ils se connaissent les ventres. Celui dont vous appelez Luc, non seulement il n'est pas catholique, il n'est pas catholique romain. Ça veut dire que c'est entre les catholiques romains et les orthodoxes, il y a des conflits. Parce qu'il y a les jésuites parmi qui n'aiment pas entendre les paroles des autres. Parce que même au niveau même des doctrines de l'église catholique romaine, ils ont même peur eux-mêmes de Jésus et des pouvoirs exorcistes. Ce n'est pas n'importe quel prêtre qui fait l'exorcisme. Non, chez les Romains, tout le monde ne fait pas l'exorcisme. Voilà. Et tu vois donc que l'autre chose maintenant, c'est que lorsque tu vois donc de telles choses se passer, un prêtre comme Luc là, qui vit avec des femmes n'importe comment, et il va prier pour que quelqu'un guérisse, tu penses que c'est le pouvoir de Dieu qu'il a utilisé? D'abord, mais quand vous le connaissez là, comment il a fait pour devenir prêtre? Comment il a fait pour avoir son pouvoir? Vous le connaissez depuis comment? Bon. C'est que chez eux. Dans les congrégations là. Oui. C'est moi dans le prêtre papa. Ils ne vont pas dans au grand séminaire. Mm-hmm. C'est un prêtre qui te prend ou leur évêque. Mm-hmm. Pour les l'initier. Il t'initie. Mm-hmm. Il te montre ce qu'il te montre là. Mm-hmm. Et puis un jour, mm-hmm. il décide que tu es prêt pour passer diacre. Et puis il t'ordonne diacre, plus tard il t'ordonne prêtre. Quand il ordonne comme ça, là, comment le pouvoir de celui-là vient d'où? Puisque s'il y a un évêque qui a ordonné Luc là, d'où vient le pouvoir de Luc? Ça suppose que même celui qui l'a ordonné n'est pas simple. De l'évêque, non. C'est les évêques qui donnent la prêtrise. On va voir tout cela dans la Bible. Et papa, toi également, quand tu es allé à Rome, tu es allé au Vatican, non? Donc ça veut dire que quand le pape était en visite ici, vous avez transporté. La papa mobile là. Donc c'est vrai que quand il vient comme ça avec l'aspect, tout le protocole qui est à côté, on pense que c'est le divin machin. Quand tu es là à Rome, au Vatican, tu as eu l'aspect, tu as eu l'impression de vivre là où il y a Dieu. Et ton sentiment, Tom? Bon, disons que moi j'étais émerveillé par le luxe. Par le très grand luxe qu'il y a déjà dans le. Dans le bâtiment. Tout est en or. Tu trouves des poignées de porte comme en ça. En or. Au Vatican. Oui. Poignées. Tu dis des poignées comme ça. En or massif. Des petites piscines autour, il y a des petites barrières en or. Toi et tes collègues, vous étiez en mission, non? Parce que la sécurité pour la... Nous étions en mission pour aller prendre le papa mobile. La papa mobile. Ce n'est pas nous qui avons amené le pape. Donc, il a son avion spécial. Voilà, il a son avion. Mais c'est l'avion de l'armée qui est allé. Voilà, c'est notre avion qu'ils ont parti le chercher. Et j'ai donc eu l'honneur d'être parmi ces gens-là. Donc disons que moi j'étais beaucoup plus l'émerveillement. Et puis quand je voyais les gens, beaucoup de gens allaient quelque part, moi aussi je partais. On dit que Jean-Paul II, Jean-Paul II, la tombe de Jean-Paul II, parce que là-dedans... Ok, c'était Benoît, c'est le dernier parce que tu avais accompagné. C'était quand Benoît s'est venu sur Jean-Paul II. C'était quel papa? C'est Benoît XVI, c'est lui qui est venu ici la dernière fois. C'est celui qui est venu ici en dernier, non? Oui, c'était XVI. Benoît. Puisque en étant Jean-Paul II mort, ça a tombé là-bas. Voilà. Donc tu es allé voir la tombe de Jean-Paul II. Quand je vois beaucoup de gens partir quelque part, je sais parfois. Quand tu es allé voir la tombe de Jean-Paul II, tu as fait le signe de croix. Oui. J'ai vu beaucoup de papes momifiés. Tu vois comment il est couché sur le cercueil, dans la vitre, avec de la lumière. J'ai vu la statue de Saint-Pierre au centre de la basilique. C'est tellement grand que puis en bas, il y a un récipient d'eau. Tu viens, tu mets les mains là, tu fais le signe de croix. Tu fais le signe de croix. Mm-hmm. C'est comme de l'eau bénite. Et avec les pèlerins qui viennent là-bas chaque fois. Des milliers, des millions. Du monde entier. Mm-hmm. De l'Asie, de Sud-Amérique, de l'Afrique et tout et tout. Bon, étant rentré là-bas, parce que tu devais être proche dans les services des protocoles. Quand tu es là-bas, tu étais proche dans le service des gardes. La mission était seulement porter la papa mobile. Mm-hmm. Mais si tu veux porter la papa mobile, ça veut dire que tu dois être avec les gardes suisses, les gardes rapprochés du pape, par exemple. Voilà, les gardes rapprochés du pape. Il n'est pas là avec vous-même. Mm-hmm. C'est des prêtres. Quand tu entends que quelqu'un peut être parti à Rome, c'est les prêtres. Qui jouent le rôle des ambassadeurs et des diplomates. Les prêtres, les évêques et les cardinaux qui sont là. Tu lis ici. Mm-hmm. Les langues que celui-là parle. On a mis le même nombre de langues. Donc, quand tu viens, tu vois English, French, Dutch, Espagnol. Comme tu as vu French, c'est celui qui parle français. Moi, ça parle français, lui. Tu vas vers lui. Il t'accueille. C'est comme ça. Et que j'ai les sacramentaux, là, j'avais les chapelets et j'avais l'huile. Qu'il fallait qu'il bénisse. Il fallait bénir. Hein. On regroupait donc. On regroupait donc. Et puis, on entrait dans une salle là, où le pape devait passer à certaines heures. Dès qu'il finit, il sort tout ça, il vient vous remettre. Et quand tu prends ces objets, tu es sûr que c'est béni? Moi, quoi? Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Et je repose encore la question. Avec l'histoire, au moins, même si tu n'as pas lu toute la Bible, tu as au moins vu l'histoire du film de Jésus dans la Bible, par vidéo. Avec le luxe insolent que tu as vu là-bas, avec les impressions que tu as vues, les choses que tu as vues, et le comportement de Jésus par rapport à la luxure, par rapport aux choses mondaines, tu penses que Jésus, s'il vient sur la terre, s'il descendra au Vatican, il ira habiter là-bas. S'il doit encore vivre comme il a vécu, il n'ira jamais au Vatican. Parce que il y avait déjà des choses luxueuses comme ça à son époque. À son époque. Il ne vivait pas là-bas. Mais il était au Vatican, tu n'as pas pensé à ça? Si, j'ai pensé un peu à ça, mais moi je n'avais pas un contrepoids. Je me disais que Dieu n'est pas pauvre. C'est un grand monsieur, c'est normal. Donc c'est normal qu'il ait de l'or. C'est normal que l'or il avait appartient à Dieu. Donc franchement, je n'ai jamais pensé qu'il doit être pauvre, qu'il doit vivre dans la pauvreté. Donc le remplaçant de Jésus qui est sur la terre a son propre pays, son propre drapeau, sa propre garde. Quand il va à une mission diplomatique, il part en tant que chef d'État. On chante son hymne national. Et là, ses gardes rapprochés. C'est normal, ça? Je ne sais pas. Je constate juste que je ne voudrais pas trop me casser la tête. Bon, maintenant, avec le recul, avec tout ce que tu observes, est-ce que tu peux penser donc que le pape, c'est le remplaçant de Jésus sur la terre? Bon, que s'il y a un remplaçant... Je voulais dire que est-ce que vraiment le pape est remplaçant de Jésus? Je comprends ce que tu dis. Mais je me dis, s'il y a un remplaçant... Ça ne peut être que lui. Bon. S'il n'y a pas de remplaçant. C'est pas parce qu'il s'est autoproclamé ou bien il a pris ce titre-là depuis que ça. On trouve que c'est normal. Parce que, il y a donc des gens, des évangélistes, qui essaient de vous expliquer la statue de Saint-Pierre, comment il est arrivé là-bas. Et puis, souvenez-vous que dans la Bible, Jésus a dit à Saint-Pierre... Que tu es Pierre, Saint-Pierre, je vais tirer mon église. Voilà, toi, tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà que le Vatican est bâti... Sur la tombe de Pierre. Sur Pierre, parce que... Oui, au centre de l'édifice, c'est là où se trouve sa tombe, enfin ce qu'il en reste, ses reliques. Et donc, sur Pierre, il a bâti son église. Donc, ça veut dire que l'église, donc, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est l'église catholique. Si à, enfin, à leur dire. Mm-hmm. Donc tu te lèves voir ça là dans la Bible ou pas? Mm-hmm. On va commencer par là, on va aller doucement, doucement. Parce qu'il faut qu'on assigne cela. Parce que lorsque vous êtes dans les airs, vous volez dans l'avion, on n'a pas le temps pour lire la Bible. On va lire ces choses, on a tout de la Bible. On est d'accord, non? Mm-hmm. Mais maman, toi également, étant sa femme, tu sais qu'il y a des choses louches qui se passent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir accepté ce petit repas. C'est moi qui vous remercie. Je ne me souviens plus en quelle année nous sommes payés le luxe de nous retrouver à deux comme ça. Mm-hmm. Je ne me souviens plus. Ça marque. Toute la vie entière, ça ne se dit pas. C'est une famille. Qui descend, c'était dans ma famille. Là. Donc vous avez pensé que le frère Julien m'a oublié, le frère Julien nous a oublié. Effectivement. On ne peut pas vous oublier chez lui. Parce que quand je suis arrivé à Sardes, quand j'appelle ma fille, je suis venu au moment. Et là, je dis, Seigneur, même ici. Pourquoi cette fois-ci me permet que si mon papa, soit l'enfant, s'il arrive à la maison, il veut nous rencontrer, le chien va à la foi, il va me dire. Il va se dire, pourquoi c'est comme on dit que là, le chemin de Dieu est étroit. Donc c'est vraiment ça. De toutes les époques que nous traversons là, il faut que quelqu'un vienne agir, quel homme qui n'a pas moyen n'est pas à côté de toi pour dire tu vas être là. Parce qu'on a toujours besoin de, je ne sais pas, une intervention à certains moments. Quelqu'un disait que quand on est à tout le plus on ne veut plus appuyer, même notre père de ce que je ne sais pas. Même notre père qui a essayé d'oublier même les mots. Oublie les mots de père. Et vous allez me finir ici, c'est ça. Maintenant, le taxe. De toutes les façons, n'est-ce pas? C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est que quel qu'en soit ce qui arrive, d'abord, un, les visions montrent que c'est Dieu qui a le cœur de vous tenir. Donc, on ne doit pas dévier du voie de la voie du Seigneur. Même si c'est difficile, n'importe comment, on doit tenir. C'est pour ça que nous avons invité pour que vos problèmes soient désormais notre problème. Mm-hmm. Aussi, n'importe quoi, nous tenions ferme dans la prière ensemble. Donc, comme je vous avais recommandé la dernière fois, il n'y a point de voie. Si j'entends seulement et que Dieu me révèle que vous virez hors de la voie de Dieu, je me retire. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on reste dans la parole, on reste uniquement, on compte sur Dieu. Il n'y a pas deux choses. Si je suis serviteur de Dieu, s'il dit que touche comme ça, je touche. S'il ne dit pas, il ne fait pas quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on avance selon son rythme. Mm-hmm. Et tant qu'il y a la respiration, il y a l'espérance. Amen. Il y a l'espérance. Et nous comptons sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. Mm-hmm. Dieu utilise les choses comme ça pour qu'on fasse confiance à lui. Doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est pour ça qu'il m'a mis à cœur de vous parler cette nuit-ci avant qu'on avance dans la prière. Donc, il va parler. Et c'est selon le temps. Aucun enfant ne dérangera. Aucun téléphone ne sonnera. Parce qu'on va bien parler dans la prière. D'accord. Mm-hmm. Si vous voulez dormir, le moment où vous êtes fatigué, vous partez dormir. Après, on va continuer à prier. Donc, on en a comme ça deux jours. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Dieu là nous a laissé éveiller toute la nuit. Quand on a commencé à rester à la maison, je suis là, je marche. Donc, à la maison. Donc, quand tu rentres du coup, comme ça, tu ne peux pas reposer. Non. Nous ferons comment? Vous laissez un peu le temps de faire. Non, mais d'abord. On vous laisse. Je ne sais pas. Depuis que je suis là. Je dors même 2 heures. On te laisse à l'autre dormir 2 heures. Le temps qu'on parle à papa. Oui, peut-être. Donc, toi, tu vas te coucher. Quand papa s'est reposé dans la journée, on va continuer avec lui. On va parler. Donc, si tu sors seulement la Bible alors. Tu sors seulement la Bible pour moi. On va aller. C'est le temps que mes gars là aussi mangent. Ça marche. La fille, tu as compris ça alors comment? Le lait, avec la menthe. C'est bon là. Ouais, c'est que le jus là, pour la santé. Je dis qu'elle, on va pas venir te dire qu'après 25 ans là, on est tous bien de boire tout le jus. Mm-hmm. Ça, je vais la sens, c'est super.